Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans quelques instants va débuter la seconde diffusion stéréophonique sur les antennes françaises de « Une larme du diable ». L'expérience proprement dite de diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants. Préalablement, certains réglages, d'ailleurs simples, sont à réaliser chez l'auditeur déjà en possession de deux récepteurs. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques conseils indispensables pour écouter dans les meilleures conditions possibles la production stéréophonique qui, pour la deuxième fois depuis 1950, va vous être transmise sur les antennes de France 1 Paris Inter et France 2. Vous aurez successivement à observer, premièrement, un placement correct de vos deux récepteurs. Deuxièmement, le réglage exact du récepteur de gauche sur France 1 et du récepteur de droite sur France 2. Troisièmement, le réglage à la même intensité sonore de chacun des récepteurs. Quatrièmement, si possible, le réglage à la même tonalité des deux appareils. Précisons tout de suite que cela est très simple, comme vous allez le voir, et nous allons, si vous le voulez bien, reprendre séparément, mais plus en détail, chacun de ces points. Nous vous laisserons tout le temps nécessaire pour réaliser chaque opération, en vous faisant entendre quelques exemples de physique amusante que permet le procédé de stéréophonie dirigée. Premièrement, comment placer correctement les récepteurs? Disposez vos deux appareils à une distance de 1,50 m à 2 m, suivant les dimensions de votre pièce et le nombre de personnes présentes. En outre, il est préférable de placer les deux récepteurs à la même hauteur. Bien entendu, vous allez vous asseoir face à ces deux récepteurs et, autant que possible, dans la partie médiane. Faites légèrement converger les haut-parleurs des récepteurs vers la zone où vous serez assis, environ 2 à 3 mètres en retrait. Prenez tout votre temps pour procéder à cette petite installation. Si vous avez réglé votre récepteur de gauche sur France 1 et votre récepteur de droite sur France 2, vous vous êtes sans doute aperçu qu'une troupe de cavaliers vient de défiler chez vous de la droite vers la gauche. Si par hasard ces cavaliers avaient défilé en sens inverse, vérifiez bien que votre récepteur de gauche, nous répétons bien de gauche en regardant les appareils, se trouve réglé sur l'une des longueurs d'onde de France 1 Paris Inter. Et celui de droite, bien entendu, sur l'une des longueurs d'onde de France 2. Inutile de commenter. Vous venez d'entendre la suite logique du premier exemple, les troupes à cheval ne défilant bien qu'avec musique. Vous avez pu toutefois remarquer que cette musique restait immobile dans l'espace. C'est à dessein que nous avons procédé ainsi, car si les puissances sonores de vos deux récepteurs sont correctes, l'image sonore de cette musique de cavalerie devait sembler provenir de la totalité de l'espace compris entre les deux récepteurs. Afin de vous permettre de mieux ajuster ce réglage des puissances sonores qui est le seul un peu délicat, et qui est d'ailleurs le plus important, je vais continuer à parler d'abord sur la longueur d'onde France 1 Paris Inter, c'est-à-dire que ma voix doit actuellement vous parvenir du récepteur de gauche lorsque vous regardez les appareils. Je vais maintenant me déplacer vers l'extrême droite, c'est-à-dire qu'actuellement, je vous parle sur la longueur d'onde de France 2. Et enfin, je me retrouve en ce moment au centre. Trois choses peuvent alors se produire. Ou bien ma voix vous parvient effectivement d'un point situé exactement au centre, c'est-à-dire entre les deux récepteurs, auquel cas vos réglages de puissance sonore sont corrects et surtout n'y retouchez plus. Ou bien ma voix vous parvient de la gauche. Dans ce cas, augmentez légèrement la puissance de votre récepteur de droite. Attention, procédez délicatement et sans à-coups. Ou bien enfin, c'est le cas inverse du précédent, ma voix vous parvient un peu trop à droite, et dans ce cas, vous augmentez légèrement la puissance du récepteur de gauche jusqu'à obtenir totale satisfaction. Nous vous proposons maintenant d'entendre à la fois les chevaux et la musique qui normalement les accompagnent. Enfin, il nous reste un dernier point à aborder, celui de la tonalité. Il est souhaitable que vos deux récepteurs aient sensiblement la même tonalité. C'est ainsi que vous obtiendrez de moins bons résultats si l'un d'eux est sourd et l'autre suraigu. Si les appareils dont vous disposez sont munis de réglages de tonalité, prenez soin de parfaire cette dernière mise au point. Et maintenant, merci pour la patience dont vous avez fait preuve. Nous nous permettons de vous signaler que vous disposez encore de toute la durée du générique de début, donné comme toujours dans les grandes occasions par la voix de Jean Toscane, pour parfaire ces quelques réglages au cas où ceci vous semblerait nécessaire. La voix de Jean Toscane va vous parvenir du centre. Encore un dernier mot. L'émission que vous allez entendre incessamment représente la première étape de ce procédé de stéréophonie dirigée. Nous avons cru bon de la rediffuser telle qu'elle l'a été la première fois, le 19 juin 1950, et telle qu'elle a obtenu le prix Italia en 1951. Nous vous demandons simplement de songer que depuis 8 ans, nos moyens techniques ont fait quelques progrès. Et maintenant, place au théâtre. Le Club d'essai de la radiodiffusion française présente, sous la direction artistique de René Clair, Une larme du diable, de Théophile Gautier, adaptation de Jean Forest, avec Gérard Philippe, Daniel Delorme, Marcel Desrien, Robert Arnoux, Françoise Angèle de la Comédie française et Jean Toulouse dans les rôles principaux. Cette émission est la première qui soit diffusée en stéréophonie, suivant un procédé mis au point par José Bernard et Jean-Wilfried Garrett, qui en assure la réalisation technique avec le concours de l'équipe du studio d'essai. Production de Jean Forest. René Clair vous présente l'émission. Mesdames, messieurs, vous allez assister à la représentation d'une pièce écrite il y a 111 ans par un auteur célèbre et qui n'a jamais été jouée jusqu'à ce jour. La pièce s'appelle « Une larme du diable » et son auteur, Théophile Gautier. Théophile Gautier, dans le feu de ce génie abondant qui lui permit d'écrire une œuvre dont l'édition complète se montrait à plus de 300 volumes, ne limita pas cette fantaisie à des scènes dialoguées entre les principaux personnages du drame, non. Rien ne coûtait à ce jeune présomptueux. Et ici, non seulement le diable parle, mais aussi Dieu le Père, son Fils et la Vierge. Et il s'y trouve d'autres rôles encore plus difficiles à distribuer à des acteurs, comme celui de la brise, de l'arc-en-ciel, de la fumée ou de la goutte d'eau. Par quels artifices aurait-on pu représenter au théâtre des êtres, des choses ou des substances aussi dénuées de pesanteur et qui ne prennent corps que grâce au prestige de la poésie? Il a fallu attendre jusqu'à ce jour pour imaginer ces artifices. Et c'est la radio qui nous en fournit le secret. Quant à la scène où nous allons monter notre spectacle, c'est la meilleure que l'on puisse trouver. Celle où tous les miracles et les féeries se jouent. Cette scène, c'est votre propre imagination. Nous vous demandons cependant de nous aider un peu, car notre tâche est difficile. Oubliez un instant vos préoccupations d'aujourd'hui, vos projets de demain, le cadre même où vous vous trouvez au moment où je vous parle. Voulez-vous un conseil? Faites comme je fais moi-même. Éteignez cette lumière trop forte. Vous avez entendu? Éteignez cette lumière. Croyez-moi, le plaisir que nous espérons vous donner serait gâché si les murs qui vous entourent empêchaient votre esprit de se rendre au rendez-vous aérien qui lui est fixé par l'auteur depuis si longtemps. Pensez que la pièce qui va se jouer et qui attend depuis 1839 d'être présentée au public n'a pas eu de chance. Donnez-lui en une. La lumière est éteinte? Merci. À ceux qui n'ont pas suivi mon conseil parce qu'ils étaient trop paresseux pour se lever de leur siège, je demande une dernière faveur. Dès que ma voix se taira, qu'ils ferment les yeux. S'ils ne le font pas, ils ne comprendront rien à ce qui va se passer. Les yeux fermés, tout leur semblera clair. Il faut, vous le savez, un peu d'obscurité pour les actes de magie ou les séances de spiritisme. Et puisque votre imagination est la scène où va se jouer notre pièce, cette scène doit être vide et prête à recevoir les décors les plus fantastiques. Nous commençons. Dans l'ombre, j'évoque une ombre, celle de l'auteur Théophile Gautier. Théophile Gautier, êtes-vous là? Faites un petit effort, cher maître barbu, et permettez-nous de vous entendre. Si je vous dérange, je m'en excuse, ce n'est pas ma faute, c'est la vôtre. Vous avez écrit dans cette comédie un rôle pour l'auteur, pour vous-même. Et qui d'autre que vous pourrait le tenir? Nous allons jouer Une larme du diable. Oui, c'est une œuvre de vous. Oui, je sais, vous en avez tant écrit. Mais de celle-là, vous allez vous souvenir, car elle est une des plus précieuses. On croirait qu'y ont collaboré Gérard de Nerval et Musset. Non, non, ne vous fâchez pas, ne partez pas. Je viens de nommer deux de vos contemporains que notre époque place très haut. On croirait même y pressentir Giraudoux. Oui, Jean Giraudoux, vous ne l'avez pas connu sur Terre. Mais vous pouvez le connaître à présent, que sa voix comme la vôtre, à l'inflexion des chères voix qui se sont tues. Croyez-moi, mon bon maître, les vivants ont grand besoin d'être distraits par des féeries à notre époque. En souvenir de votre jeunesse, consentez à jouer votre rôle. Le drame commence, mes chers auditeurs. Et j'ai l'honneur, en vous souhaitant une bonne soirée, de vous présenter l'auteur. La parole est à Théophile Gautier. Cette comédie est universelle. Elle embrasse le ciel et la terre. Plus fort, monsieur Gautier, plus fort. N'oubliez pas que votre voix vient de très loin. Cette comédie est universelle. Elle embrasse le ciel et la terre. Chaque partie de la création y joue son rôle, depuis l'étoile jusqu'à la pierre, depuis l'ange jusqu'au lapin. La cloche y a une langue. Les bêtes y parlent comme des personnes, et les personnes comme des bêtes. Il n'y a que moi, l'auteur, qui ne dise rien, je ne vois pas pourquoi. Car si humble que je sois, je pense que je puis me mêler à la conversation. Chut! Nous sommes dans la chambre d'Alix et Blanche-Flore. J'ai beau travailler, ma sœur, je n'aurais jamais fini de broder cette chape pour le Saint-Jour de Pâques. Je t'aiderai, ma très chère Alix. Et avec la grâce de Dieu, nous arriverons à temps. Voici que j'ai fini la couronne que je tresse à la Sainte Vierge, avec des grains de verre et de la moelle de roseau. J'ai encore à faire tout ce grand pavot aux larges feuilles écarlates. J'ai bien sommeil. Mes yeux sont pleins de sable. La trame du canevas s'embrouille. La lampe jette des lueurs douteuses. Et l'aiguille s'échappe de mes doigts. Je m'endors. Ici l'auteur. Je vous annonce l'entrée d'un nouveau personnage. C'est l'ange gardien d'Alix. Mon enfant, mon Alix, c'est moi. Asraël, tâche de te réveiller. Tu n'as pas fait ta prière ce soir. Pater noster, quies in celis. Je m'en vais te délasser et te coucher, ma petite Alix. Tu rêves tout debout. Après, je me déshabillerai moi-même et dormirai à mon tour. L'ange gardien contemple la jeune fille qui se déshabille. La voilà presque nue. On dirait une des statues d'albâtre de la cathédrale. À la voir si blanche et si diaphane. Elle est si belle que j'en deviendrais amoureux, tout ange que je suis, si je continuais à la regarder plus longtemps. Ce n'est pas la première fois que les fils du ciel se sont épris des filles des hommes. Voilons nos yeux avec le bout de nos ailes. Bonne nuit, Alix. Blanche fleur, bonne nuit. Elles dorment dans leur petit lit virginal, comme deux abeilles au cœur d'une rose. Soufflons la lampe et remontons là-haut faire notre rapport au Père éternel. Frère, Azraël, attends encore un peu. C'est un deuxième ange gardien qui parle, celui de la sœur d'Alix, Blanche-Flore. N'as-tu pas remarqué comme la pauvre Alix avait ses yeux tout rouges à force de travailler? Je veux lui achever son pavot, afin qu'elle ne se fatigue plus la vue et que Messire Yvon, le chapelain, puisse mettre sa chape neuve à la grand-messe du jour de Pâques. Je le veux bien, Misaël. Mais prends garde à te piquer les doigts avec l'aiguille. Ici Théophile Gautier. Laissons les deux jeunes filles endormies et leurs anges gardiens à leur broderie. Prenons de la hauteur. Là, nous voici au paradis. Au centre, un vieillard majestueux trône. C'est le bon Dieu, tout simplement. Près de lui, Marie et Jésus. Approchons-nous. Le bon Dieu va parler. Azraël et son compagnon ne sont pas venus me rendre leur compte et faire signer leur livre. Pourtant, le souffle endormi des deux jeunes filles confiées à leur garde monte jusqu'au pied de mon trône comme un parfum et une harmonie. Ah, mes bons anges, vous êtes des paresseux, et si vous ne vous corrigez, je vous priverai de musique pendant 2 ou 3 000 ans. Je les ai aperçus il y a un instant, tout occupés de tapisseries. Père, les voici. Je vois jusqu'au fond de vos cœurs. Vous êtes amoureux de cette blanche flore et de cette Alix. Je m'en vais faire une enquête sur elles. Et si elles sont aussi pures que vous le dites, je vous accorde leur âme en mariage. Vous les épouserez aussitôt qu'elles arriveront au ciel. Qu'avez-vous à dire, Jésus? Rien qui ne leur soit favorable, mon père. Ce matin, je me suis déguisé en mendiant, je leur ai demandé l'aumône. Elles ont déposé dans ma main lépreuse, chacune à leur tour, une grosse pièce de cuivre, toute glacée de verre de gris. Et toi, ma chère Marie? Elles ont fait brûler dans ma chapelle plus de 10 livres de cire et m'ont donné plus de 20 couronnes de filigrane et de roses blanches. Bien, bien. Qu'en pense l'étoile du matin? En me levant, je les regarde toutes deux par le coin du carreau et je les vois qui travaillent ou qui prient. L'étoile du soir? Comme ma sœur matinale, je les ai toujours vues travailler ou prier. Parfait. La brise a-t-elle un écho à nous apporter? J'ai passé à côté d'elle, l'une chantait, j'ai pris sa chanson sur sa bouche, la voici. En revenant de ses méchants, en revenant de ses méchants. n'y a rien à dire. Azraël et Misaël, vous les épouserez. Ce sont deux âmes charmantes. Allons, mes trônes, mes principautés, mes dominations, entonnez le cantique des cantiques et réjouissez-vous, puisque voici deux créatures aussi vierges que Marie, ma bien-aimée. Ricaner dans mon paradis d'une manière aussi insolente. C'est moi, vieille barbe grise, moi, Satanas, le diable, comme on dit, ce qu'il y a de plus grand après toi, le gouffre après la montagne. Que faisait mon portier Saint-Pierre avec ses clés? Où avait-il la tête de te laisser rentrer ici pour nous empester de ton odeur de soufre? Saint-Pierre n'était pas à sa loge, il était à se promener. Il vient grâce à moi si peu de monde ici que sa charge est une vraie sinécure. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a dans ton paradis, il n'y a que des mendiants, des imbéciles et des enfants morts à la mamelle. On y est en bien mauvaise compagnie. Chez moi, c'est bien différent. Ce ne sont que papes, cardinaux, empereurs, rois, princes, dames de haut parage, prêtres, savants, courtisanes, saints du calendrier, la société la plus réjouissante du monde, et l'on ne saurait en trouver une meilleure. Je ne sais à quoi il tient mon bel ange roussi, que je ne te précipite à 100 000 lieues au-dessous du 9e cercle d'enfer, et que je ne t'y fasse river avec des chaînes de diamants. Père éternel, tu te fâches, donc tu as tort. Maudit, pourquoi as-tu fait lorsque j'allais ordonner à mes anges de chanter le Te Deum? Par mes cornes et ma queue! Vous faites vous autres beaucoup de vacarme pour peu de choses, et en cela vous ressemblez beaucoup au roi de la terre. Vous voilà bien fiers pour deux âmes de petites filles que je n'ai pas seulement essayé de tenter, comptant bien qu'elles ne reviendraient tôt ou tard, et cela sans que je m'en mêle. Vous êtes bien fanfaron, monsieur du diable! Parions, Seigneur Dieu, que je l'ai fait tomber en péché mortel d'ici avant 2 jours. Que veux-tu que je parie avec toi, mécréant? Si je perds, je vous rendrai les âmes de 50 de vos saints qui sont à cuire dans la grande chaudière. Et si tu gagnes? Une goutte d'eau, messire Dieu. Une goutte d'eau. Car j'ai soif. J'ai soif. Et l'écho de l'éternité répète. Une goutte d'eau, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Satanas quitte le paradis. La Vierge Marie est tout émue. Le voilà parti. J'ai peur qu'il ne réussisse. Parlons d'autre chose. À quoi allons-nous passer la soirée, hein? Sainte-Cécile! Seigneur! Si vous nous jouiez un air, que vous en semble, mon bon roi David danserait pendant ce temps-là pas de sa composition? Que vous jouerais-je? Du Mozart ou du Cimarosa, à votre choix. Je défends au vent et au tonnerre de dire un seul mot de tout ce soir. Je veux entendre mon grand air avec tranquillité. Le lendemain à l'aube, dans la chambre d'Alix et Blanche Flore, Satanas n'est pas encore là, mais il ne tardera pas à se faire entendre. Écoutons ce que disent les deux sœurs. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Elles achèvent leur prière, les chères petites. Tiens, il me semble que je n'avais pas terminé le grand pavot aux feuilles écarlates. Est-ce que tu n'as pas travaillé après que j'étais couchée, Blanche Flore? Non, ma sœur. C'est étrange. Le voilà, c'est lui, Satanas. Ne vois pas, Alix, je n'ai pas encore mis ma guimpe et le page Valentin est à sa croisée. Bien raté son entrée. Mes fidèles, mes chrétiens, je suis la cloche. Écoutez ma petite voix d'argent et venez à la messe du bon Dieu dans votre église paroissiale. Dépêchons-nous, nous n'arriverons jamais à temps. La messe est pour 6 heures, nous avons encore un grand quart d'heure. Écoutez votre vieille horloge, vous n'avez pas un instant à perdre. Les aiguilles sont les paresseuses, je retarde de 25 minutes. Nous sommes dans la rue. C'est un lieu autrement dangereux pour des jeunes filles. Voyons quel tour nous prépare notre diable. Tiens, le voilà transformé en marchand de colifichets. Mes belles demoiselles, daignez jeter les yeux sur ma boutique. Elle est on ne peut mieux fournie. Pour les fauteuils rubans, des pointes finisses, du satin du Levant, des miroirs de poche en pur cristal. Nous verrons en revenant de la messe. Je n'achèterai rien à ce marchand. Je lui trouve quelque chose de faux dans la physionomie. Notre diable a l'air dépité. Il disparaît. Oh, le voici en jongleur, un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il grommelle? Il faut qu'elle manque la messe. Essayons de la curiosité. Mesdames et messieurs, entrez, entrez, entrez! C'est ici et non autre part que l'on trouve véritablement les 7 merveilles de la nature. Pour un pauvre seul marqué, vous verrez autant de bêtes étranges que l'on vit Marco Polo en ses voyages, tels coriflons, caprimulges, coqs cigrues, cigales ferrées, oiseaux bridés, caméléons, basiliques, dragons volants, singes verts, licornes, ânes savants et autres, tout ainsi qu'ils sont portraits sur la pancarte ci-contre. Entrez, entrez, entrez! Cela doit être bien curieux. Ne nous arrêtons pas. Elle passe. Le jongleur disparaît, furieux. Mais quel est ce jeune seigneur qui s'approche de nos jouvencelles? C'est encore lui. Corvacco, je n'ai jamais vu deux si charmantes demoiselles. Elles valent à elles deux les 3 grâces et ensemble Madame Citerée, la mère des amours. Mesdemoiselles, cette rue est pleine de ribauds et de croquants. Daignez accepter mon bras, l'on pourrait vous affronter. Il n'est pas besoin, et ne prenez tant de soucis. Nous voici au portail de l'église. Il n'y a ici que des enfants et des vieilles femmes, ceux qui ne sont pas encore et ceux qui ne sont plus, les enfants qui marchent à 4 pattes et les vieillards qui marchent à 3. Voilà donc ceux qui forment ta cour, ô Père éternel. Tout ce qui est fort, tout ce qui est grand dédaigne comme moi de te rendre hommage. Par les boyaux du pape, j'oubliais de prendre de l'eau bénite. À peine Satanas vient-il de tremper ses doigts dans la conque d'ivoire que l'eau bénite s'est mise à fumer, à siffler, à monter, à bouillir, comme si le bénitier était une chaudière. Dominus Bobiscum. Et comme spiritu tuo. Tout tuo. Du vrai latin de cuisine. Le bon Dieu n'est pas difficile. Mais avisons à ce que font nos péronnelles. Libera nos amalo. Délivrez-nous du mauvais, ainsi soit-il. Il paraît que l'on s'occupe de moi, chère Blanche-Fleur. Satanas s'approche de Blanche-Fleur et lui souffle à l'oreille. Que cette jeune fille est belle. On la prendrait plutôt pour une dame de la cour que pour une simple bourgeoise. Elle efface toutes ses compagnes. Et l'orgueil de Blanchefort répond en écho. Il est vrai que je ne suis pas mal, et que si j'étais parée, peu de jeunes filles pourraient l'emporter sur moi. Satanas exulte. Il se détourne un peu pour ricaner. Oh, les femmes! Je crois que la plus humble a encore plus d'orgueil que moi, le diable qui ne reconnaît personne au-dessus de moi, pas même Dieu. Mais poursuivons notre jeu. Tous les hommes ont les yeux fixés sur Blanche-Fleur. Cette jeune fille si belle. Et si elle voulait pour amant ou pour mari le fils du comte, elle l'aurait, très certainement. Cette fois, Blanche-Fleur est si troublée qu'elle laisse tomber son livre de messe. Et déjà, Satanas se préoccupe de sa sœur. Il se loge dans la boucle d'oreille d'Alix. Il la fait parler. Voici ce que dit la boucle d'oreille. Je suis faite avec l'or le plus fin et par le meilleur orfèvre. On croirait qu'il a pris un rayon de soleil, qu'il l'a forgé et arrondi en cercle, tant je suis luisante et jolie. Et puis, je mords par son lobe de corail la plus charmante oreille qui se soit jamais enroulée, comme une coquille de nacre près d'une tempe transparente et sous de beaux cheveux noirs. Cette petite sotte d'oreille s'empourpre de plaisir. Mais, mesdames et messieurs, ce qui se passe en ce moment est extraordinaire. Se détachant d'un vitrail, Saint Bonaventure se projette comme une ombre sur le col d'Alix et l'interpelle. Alix, Alix, prends garde. Satanas, bondit. Saint Bonaventure, ce n'est pas de jeu. Père éternel, tu triches. Ce n'est pas honnête. Tu devais me laisser agir. Et Saint Bonaventure intervient. Tu prends la mouche hors de propos. C'est la réfraction du soleil à travers les vitraux. Ah, d'autres ! Le soleil n'est pas de ce côté, et les autres ombres se projettent tout en sens inverse. Allons, allons. Bonne aventure. Remonte à ta fenêtre. Ah. Et replace-toi dans ta chape de plomb. Sur l'ordre du Père éternel, Saint Bonaventure remonte dans son vitrail. Et Satanas s'en prend à nouveau à Blanche-Flore. Mais cette fois, sous les traits du fils du comte. Mademoiselle, voici votre missel qui était tombé à terre. Il est tout fripé, tout taché. Daignez accepter le mien. Laissez-moi celui-ci, j'ai un enlumineur fort habile qui réparera le dommage. Monseigneur, vous êtes bien bon. Oh mon Dieu, que ce livre est beau, que ces figures sont bien peintes, que ces marges sont ornées avec goût. C'est un livre très précieux. Voyons les images. Quel est donc ce sujet? Je ne le connais pas. Un jeune homme et une jeune fille qui se promènent seuls dans un beau jardin en fleurs. Leurs yeux brillent d'un éclat extraordinaire. Leurs lèvres s'épanouissent comme des roses. Le jeune homme a un bras autour de la jeune fille. On dirait qu'ils vont s'embrasser. Je n'ai jamais vu de pareilles vignettes dans un livre de messe. Comme ils ont l'air heureux. Je suis toute troublée. Il me vient des pensées qui ne m'étaient pas encore venues. Ah, mais que vois-je encore? Un autre couple. La femme est à moitié nue, ses cheveux inondent ses blanches épaules. Ses bras diaphanes sont noués au cou d'un beau cavalier. Les lèvres de la femme sont collées aux siennes. Elle a l'air de boire son haleine. Apparemment, c'est la parabole de l'enfant prodigue quand il est chez les courtisanes. Et plus loin encore, je ne voudrais pas voir toutes ces images. Et pourtant, je regarde. Oh, je me sens la figure tout en feu. Oh, que cela est singulier. Si cette vertu-là était seule dans une chambre, le premier vice un peu bien vêtu qui se présenterait en aurait bon marché. Les trois pauvres petites vertus théologales ne sont réellement pas de force à lutter contre sept gros gaillards de péchés capitaux. Il me semble qu'il serait bien agréable d'être embrassé ainsi par le page Valentin. Il a les dents si blanches et les lèvres si roses. Voyons encore cette image. Je n'en regarderai plus après. Tu le regarderas jusqu'à la dernière, ou je veux m'emporter moi-même. Si j'avais un amant qui ressemble à tout jeune seigneur peint sur cette miniature, je serais bien heureuse. En cet instant précis, le prêtre présente aux fidèles la Sainte Hostie. Ce qui a pour résultat immédiat de faire décamper au plus vite Satanas. Blanche-Flore se ressaisit. Mais est-ce que j'ai dormi et rêvé? Où est donc le livre que je tenais tout à l'heure? Tu cherches ton livre? Le voilà à tes pieds. Mon Dieu, pardonnez-moi la coupable distraction que j'ai eue pendant votre sainte messe. Il s'est passé en moi quelque chose qui n'est pas naturel. L'air que je respirais m'enivrait comme du vin. Des images impures dansaient devant mes yeux. Je ne me suis jamais sentie ainsi. Du haut du ciel, le Père éternel regarde Blanche-Flore. La pauvre enfant. Misaël, descends lui dire que je lui pardonne. Blanche-Flore, Dieu vous pardonne. Tranquille. Allons-nous-en, ma sœur. Oh, donne-moi le bras. Je suis si étourdie que je ne puis me soutenir. Enfin, les voici dehors. J'espère que mes tentations auront un meilleur succès dans un autre endroit. Satanas, Satanas, ta goutte d'eau n'est pas encore gagnée. Guettant Alix et Blanche-Flore, Satanas se promène, solitaire, dans une allée du parc. Les oiseaux chantent, les fleurs embaument. L'endroit est fort beau. Comme la nature est ennuyeuse. À mes pieds, là, devant moi, un colimaçon sur une rose. Quel spectacle! Mais que peut dire un colimaçon? Oh, charmante rose, je t'aime. Permets que je te baise à la bouche et au cœur. Tu es pleine de délices. Et je me pâme rien qu'à t'approcher. Oh, fis donc, mais veux-tu me laisser avec ces vilains baisers pleins de bave? Ah, voici l'éternelle histoire du monde. La vieillesse et la laideur aux prises avec la vertu et la beauté. Il me semble voir une jeune fille qui épouse un vieux mari. Ma rose, ma belle rose embaumée, il est vrai que je bave, mais ma bave est d'argent. Ah, vous n'êtes pas si laid que je le croyais d'abord. Et il me semble que je vous aime déjà beaucoup. Colimaçon, mon ami, tu es un habile séducteur. Tu as en vérité tout ce qu'il faut pour faire le plus délicieux mari du monde. De l'argent et des cornes. Que diable veut donc ce papillon qui voltige par ici et qui bourdonne à l'oreille de la rose? Ah, je devine. C'est le galant, c'est l'ami de cœur. Aussi, il faut convenir qu'il a un peu meilleure façon que l'autre. Ah, c'est vous, monsieur le lapin. Qu'avez-vous à fixer sur moi vos gros yeux bleus? Je n'aime pas qu'on me regarde, monsieur du lapin. C'est que vous avez sur le front écrit en caractère rouge une inscription terrible. Je n'aimerai jamais. Allez, va-t'en! Il a dit vrai. Je n'aimerai jamais. Jamais. Alors, ressaisissons-nous. Oh, voici venir Alix et Blanche-Fleur. Quel plaisir de se promener sous les larges feuilles de châtaigniers avec des grappes de fleurs pour girandoles. Sur un gazon couleur d'espérance, tout semé de marguerites et de pâquerettes. Voici une marguerite qui a un cœur d'or et des feuilles d'argent. Questionnons-la. Pourquoi faire? Nous n'avons pas d'amoureux. Nous pourrions en avoir si nous le voulions. Il y en a beaucoup qui en ont et qui ne nous valent pas. Voyons ce que la fleur va dire. Cela nous amusera. C'est pour toi que j'arrache tes feuilles. M'aime-t-il un peu, beaucoup, pas du tout. M'aime-t-il un peu, beaucoup, pas du tout. Il ne t'aime pas du tout, c'est positif. Tu t'es trompée. Tu as sauté une feuille. Non, j'ai bien compté. Non, te dis-je. Que la nature des femmes est une singulière nature. Voici une petite fille qui ne connaît l'amour que pour en avoir entendu parler et qui s'indigne à la seule supposition que l'amant qu'elle n'a pas pourrait peut-être ne point l'aimer. Le moment est venu de nous montrer. La petite serait enchantée de faire voir à sa sœur que la marguerite en a menti. Ça, quelle figure allons-nous prendre? Don Juan ou Lovelace? Don Juan est usé comme la soutane d'un séminariste ou l'escalier d'une fille de joie. Lovelace est un peu plus inédit. Oui, décidément, je serai Lovelace. Et je ne doute point que sa perruque poudrée et son habit à la française me fassent un effet merveilleux. Quel est ce beau cavalier qui s'avance vers nous? Sa démarche est élégante. Il a l'air tout à fait noble et le plus gracieux du monde. On dirait qu'il veut nous aborder. Mesdemoiselles! Pardonnez-moi si je me mêle à votre entretien sans y être convié, mais j'ai entendu sans le vouloir une partie de votre conversation. Vous avez fait à une fleur rustique et sotte, qui ne sait ce qu'elle dit, une question à laquelle votre miroir eût répondu plus juste et plus pertinemment. Je m'inscris en faux contre la réponse de la fleur. L'honnêteté vous fait dire là des choses que vous ne pensez sans doute point. Je sais ce que je dis et je dis ce que je pense. Vous allez voir que cette marguerite-ci aura plus de bon sens que l'autre. M'aime-t-il un peu beaucoup, m'aime-t-il un peu beaucoup? Là, je ne suis pas seul maintenant. Et voici une fleur plus avisée qui parle comme moi. Comme il a de l'esprit. Et qu'il est beau. Ce dialogue monte jusqu'au paradis. Et voilà ce qu'en pensent la Vierge et le bon Dieu. Satanas gagnera. Sa goutte d'eau? Oh! Hélas! Hélas! Ah ça, allez-vous vous taire, les anges gardiens? Vos gémissements m'empêchent d'écouter. Et vous, mademoiselle, n'avez-vous pas interrogé la fleur? Pourquoi faire? Les fleurs n'ont rien d'agréable à me répondre. Comment cela? Je ne suis pas assez belle et charmante pour que mon sort soit écrit en lettres d'argent autour des marguerites. Il doit être écrit non autour des simples fleurs des champs, mais autour des étoiles des cieux en rayons de diamants. Vous croyez parler à ma sœur? Moi? Point, je vous jure. Que dites-vous donc à Blanchefleur? Et qu'avez-vous à chuchoter comme si vous aviez peur d'être entendue? Je la félicitais sur ce bonheur qu'elle a d'être la sœur d'une aussi belle et gracieuse personne que vous êtes. Et je lui marquais combien j'avais l'imagination frappée des mérites qu'on vous voit. Vraiment, c'était là ce que vous lui disiez. Ce ne sont peut-être pas les termes express, mais c'est quelque chose comme cela. Voilà une scène qui se pose d'une façon qui n'est pas des plus neuves et qui m'a furieusement l'air de vouloir ressembler à la scène de Don Juan entre les deux villageoises. J'aurais dû trouver quelques moyens plus original. Mais, bah, femmes et poissons se prennent aux mêmes appâts depuis le commencement du monde. Sans goujons viennent mordre à la même ligne, sans femmes à la même ruse. Le poisson ne sort pas de la poêle pour aller compter aux autres comment il a été pris. Et les femmes qui sont filles, dans toutes les autres occasions, sont poissons dans celle-là. Écoutez-les. À quoi pensez-vous donc? Vous avez l'air distrait. Je pensais à ceci, que... si j'étais vous, je n'oserais sortir ainsi dans les bois sans voile. Pourquoi? De peur que les abeilles ne brisent mes joues pour des roses et mes lèvres pour une grenade en fleurs. Vos dents ont l'air de gouttes de rosée et leur pourraient donner le change. Oh, les abeilles ne voleront pas sur mes lèvres. Les abeilles peut-être non, mais bien les baisers. Les baisers sont mes abeilles des lèvres. Ils y volent naturellement. Que faites-vous donc? Je montre à votre sœur comment je ferai pour vous embrasser. Oh, suavité. Il me semble que mon âme se fond et le feu de ses lèvres a passé jusqu'à mon cœur. Alix, chère Alix, j'aurais mille choses à vous dire. Quand pourrais-je vous voir? Quel mal y aurait-il à vous aller un soir promener au jardin et vous asseoir sous la tonnelle de lilas? J'y vais quelquefois me reposer et rêver à celle que j'aimerais. Il est si doux de respirer au clair de lune, l'âme parfumée des fleurs. Blanchefleur, chère Blanchefleur, votre sœur pense que je l'aime mieux que vous, mais elle se trompe. Vous êtes Blanchefleur, celle que je cherchais, et il y a déjà bien longtemps que je vous adore sans vous connaître. C'est singulier. Mais je suis avec vous comme si vous étiez un ancien ami. Et quoi que ce soit la première fois que je vous vois, vous ne m'êtes pas étranger. On veut reconnaître votre figure, votre son de voix. J'ai déjà entendu ce que vous dites. En effet, nous sommes de vieilles connaissances. Alix, chère Alix, je suis fils cadet de l'empereur de Trébizonde. J'ai 6 coffres pleins de diamants et d'escarboucles. Je puis, si tu le veux, décrocher 2 étoiles du ciel pour t'en faire des boucles d'oreilles. Je te donnerai pour collier un fil de perles qui ferait le tour du monde. Je couperai un morceau de soleil pour te faire une jupe de brocart. Et la lune nous fournira de la toile d'argent pour la doublure. Oh, rien de tout cela, mais un baiser de ta bouche. Oh, précieuse innocence. Il fallait prendre les diamants. Le baiser n'en eût pas été moins savoureux. L'or et la femme s'attirent comme l'ambre et la paille. Je t'aime tant. Que dis-tu, Blanchefleur? Je t'aime tant que je voudrais être toi pour ne te quitter jamais. Ange du ciel, perle d'amour, rougeur de la rose, couleur du lait, oh miel et sucre, oh tout ce qu'il y a de pastoral et de charmant au monde. Cinname, manne distillée, fleur des prairies, noisette des bois, oh vert pomme et bleu de ciel. On ne peut pas dire deux mots de galanterie à ces diables de femmes, qu'elles ne vous condamnent aux galères d'amour à perpétuité. Tu voudrais être moi, jeune enfant. Tu ne me ressembles guère en cela. Et il y a longtemps qu'il m'ennuie d'être moi. Oui, Alix? Je me donnerai à toi pour l'éternité. Tu rencontres plus juste que tu ne penses, Alix. Pour l'éternité. Il ne s'agit pas ici de l'éternité des amoureux, dont il en faut tenir 24 à l'année, mais d'une bonne et belle éternité du bon Dieu, sans commencement ni fin. Jouis du haut de la colline, d'un point de vue délicieux. Oui. Je regarde coucher le soleil. Je donne un baiser à la nature. La nature est en effet une chose fort agréable. Et je vais indubitablement devenir un de ses plus assidus adorateurs. Au coucher du soleil sur la colline, au lever de la lune dans le berceau de lilas. Mes divinités, une affaire de la plus haute importance exige que je vous quitte. Adieu, ma colombe aux yeux bleus. Adieu, ma gazelle aux yeux noirs. Adieu, mon idéal. Adieu, ma réalité. Adieu, mes infantes. Je baise vos petits pieds mignons et le bout de vos mains blanchettes. Serviteur! Il a vraiment les dents superbes. Ce sera un excellent mari. Il a les ongles les mieux faits du monde. C'est un homme de grand mérite. La chambre d'Alix est blanche flore. Satanas entre. Je ne connais pas de métier plus fatigant au monde que de faire semblant d'être amoureux, si ce n'est de l'être réellement. J'aimerais autant être un cheval de louage ou fille de joie. Oh, j'en ai la courbature. Mais les affaires sont en bon train, la goutte d'eau est presque gagnée, et je crois que d'ici à peu, je ne serai plus réduit à boire ma sueur salée pour me rafraîchir. Disposons toutes choses pour la réussite de notre projet. Asmodée. Ah, ça, chien de boiteux! Est-ce qu'il faudra que je t'appelle trois fois? Qu'est-il, Seigneur? Pourquoi tardais-tu tant à venir? J'étais en train de débaucher une jeune fille au profit d'un riche vieillard. Et comme elle était éprise d'un grand coquin de lansquenet bête comme un buffle, mais haut de 5 pieds 11 pouces et large à proportion, j'ai eu beaucoup de mal. Il n'y a rien de vertueux comme une femme qui aime un portefeuille. Mais ça n'est pas de cela qu'il s'agit, et je ne t'ai point appelé pour me faire rendre tes comptes. Il faut que tu me souffles ici ton haleine violette et que tu m'allumes l'air de cette chambre du plus fin feu de luxure qui se puisse trouver. L'air de la cellule d'une nonne ou d'un cordelier ne sera pas plus embrasé ni plus aphrodisiaque. Du bitume, du soufre et de l'esprit de vin. C'est ce qu'il faut, que tout soit en rute dans cette petite chambre virginale, jusqu'aux murailles et au plancher, que les armoires se trémoussent, que les fauteuils se tendent les bras et tâchent de se joindre homocentriquement, que les peaux se démènent pour dégager leurs anses, se prendre au col et s'embrasser à la bouche. Qu'un désir plus ardent que le feu de Saint-Antoine prenne au ventre quiconque dépassera le seuil de cette porte. Vous voyez cette petite flamme couleur de punch qui voltige ça et là? C'est la même que j'ai soufflée autrefois dans l'alcôve de Messaline. Si elle s'arrêtait une minute sur le cadavre d'une vierge morte depuis 1000 ans, on verrait aussitôt sa poussière s'agiter lubriquement et son ombre devenir plus coquette et plus libertine que feu la reine Cléopâtre en son vivant. Voilà qui est bien, Asmodée. Tu peux retourner à tes affaires. En attendant l'effet de mon stratagème, je m'en vais pour me distraire, écorcher vive les âmes d'un pape et de trois rois qui viennent de passer de ce siècle à l'autre, car tout ceci devient d'un fade à vomir. Asmodée n'a pas surestimé son pouvoir. À peine vient-il de disparaître à son tour que les désordres commencent. C'est le fauteuil qui donne le signal, en parlant comme suit à une bergère recouverte d'une housse. Je brûle d'amour pour toi. Je te trouve si charmante, ma ravissante bergère, sous ta robe à grandes fleurs blanches et vertes. Tu as les pieds si mignons, des bras si bien tournés, un dos si souple. Tu t'étales avec tant de grâce au coin de la cheminée qu'il faut absolument que je me marie avec toi. Et la bergère répond. Si je n'étais pas verte, monsieur le fauteuil, et si mes paupières n'étaient pas retenues par des clous dorés, je rougirais et je baisserais les yeux, car vous mettez dans tout ce que vous dites un feu si surprenant, et vous me regardez d'un air si vainqueur, que j'en suis toute déconcertée. Laisse-moi baiser, oh mon adorable bergère, ton petit pied à roulettes de cuivre, et je serai le plus heureux fauteuil du monde. Monsieur, lâche arracher ma jambe. Oh, l'impudent fauteuil! Quels sont ces éclats? C'est une carafe qui s'échauffe. Mon cher pot bleu du Japon, si nous ne mettons un peu plus de retenue dans nos caresses, nous allons nous casser en 199 morceaux au moins. Réponse du pot bleu. Oh, ma carafe, je crois en vérité que je suis fêlé. Tu viens de me cogner si rudement avec une de tes facettes de cristal que j'en suis tout étourdi. Mais voici Alix et Blanche Flore. Vous allez assister au ravage que les efforts conjugués de Satanas et d'Asmodée ont fait naître en ces êtres purs. Écoutez la voix intérieure de Blanche Flore. Que fait donc le soleil dans le ciel? Les poètes ont bien tort de lui donner un char attelé de 4 chevaux. Il marche aussi lentement qu'un paralytique avec ses béquilles. La voix intérieure d'Alix. Ma lune chérie, soulève donc un pan de ce grand rideau bleu et montre-moi ta petite face d'argent plus claire qu'un bassin. Blanche Flore, toujours en elle-même. Au coucher du soleil sur la colline. Oh, qu'il est beau, que je l'aime. Je suis aussi émue à sa seule pensée que si je le voyais devant moi. Il m'épousera. Oh, que je suis heureuse. Alix, aussi en elle-même. Au lever de la lune. Il me semble que je ne vis que depuis une heure. Je suis née au moment où je l'ai vue. Les autres années de mon existence se sont passées dans les ombres de la mort. Mais l'heure approche. Les deux sœurs reprennent conscience. Mon Alix, j'ai fort mal à la tête. L'air de cette chambre est brûlant. J'étouffe. Si j'allais me promener un peu, cela me ferait du bien. Je tremble qu'elle me propose de m'accompagner. Va, ma sœur. Mais comme je me sens un peu lasse, tu ne m'en voudras pas de te laisser aller seule. Je ne savais que me la renvoyer. Maintenant, aiguille, accélère le pas. Timbre de l'horloge, mets-toi à chanter la plus belle heure de ma vie. Tandis que Blanche Flore se hâte au rendez-vous, Satanas arrive tout essoufflé. Par la triple corne du plus chaud mari qui soit d'ici à bien loin, malgré mes ailes de chauve-souris et ma célérité bien connue, j'ai manqué arriver le dernier. Les pieds mignons d'une fille qui va au rendez-vous sont plus prompts que les ailes du grand diable lui-même. Et celui qui va perdre son âme se hâte plus que celui qui va la lui gagner. À ce jeu de dés qu'on nomme amour dans le monde et luxure dans le catéchisme. Ça, prenons un air rêveur. Et mettons sur notre face cuivrée un masque de mélancolie amoureuse et de galante impatience. Je la vois qui monte le revers du coteau. Elle semble plutôt glisser que marcher. Le désir la soutient en l'air, lui met des plumes au talon et ne la laisse toucher le sol que du bout des orteils. Sa face rayonne de béatitude. Des effluves ondoyantes voltigent avec ses blonds cheveux autour de sa tête transparente. Elle éclaire l'air qui l'environne et ses yeux répercutent plutôt la lumière qu'il ne la reflète. Comme elle court joyeusement à sa damnation. Pas une hésitation, pas un regret. Et pourtant, dans ses idées, ce qu'elle va faire est la plus impardonnable des fautes. Mais elle aime. Elle est si heureuse de se perdre, de montrer à son amant qu'elle renonce pour lui à sa couronne d'étoiles comme à sa couronne d'oranger. Bien peu d'âmes comprennent ce plaisir ineffable et profond de se fermer les portes du monde et les portes du ciel pour se cloîtrer à tout jamais dans l'amour de la personne aimée. Cette âme qui va être à moi tout à l'heure est une de ces âmes. En vérité, pour son premier amour, elle méritait de rencontrer mieux. Et j'ai presque regret de prendre celle qui se donne si franchement, si noblement, sans arrière-pensée, sans précaution. Elle ne m'a même pas demandé mon nom. Elle ne veut savoir de moi que mon amour. D'honneur, si je pouvais faire usage de sacrement, je l'épouserais très volontiers, car c'est une brave fille. Vous m'attendiez. Il m'est cependant pas l'heure. Il me semblait comme à vous qu'il était plus clair. Oh, cher cœur, vous m'attendiez. Je vous attends depuis l'éternité. Et sitôt que vous veniez, je vous attends toujours. Vous dites là ce que j'ai pensé en vous voyant pour la première fois. J'ai pensé que vous aviez bien tardé à venir. C'est que nous étions faits l'un pour l'autre. C'est que nos âmes sont jumelles et accourues d'un bout du monde à l'autre pour s'embrasser et se confondre. Nos âmes sont comme deux gouttes de pluie qui glissent le long de la même feuille de rose et qui, après avoir cheminé quelque temps côte à côte, se touchent, d'abord par un point, puis entremêlent leur cristal fraternel et finissent par ne former qu'une seule et même larme. Ma goutte d'eau est une larme de joie. La mienne est une larme bien amère. Aucun œil mortel ne pourrait en pleurer une semblable sans devenir aveugle. Il n'y a que moi qui ai pu la pleurer, ne pas en mourir. Oh, laisse-moi la boire. Le jus laiteux de l'euphorbe, le sang noir du pavot, le venin de la spique et de la vipère ont un poison moins subtil et moins prompt. On dit qu'il y a des bouches qui sucent sans danger la morsure des serpents et la guérissent. Est-ce que l'amour ne pourrait guérir d'un baiser les morsures de la douleur sans en prendre le venin? Essayons. Sur tes yeux et ta bouche. Sur ton sein. Plus tard. Oh, je t'en prie, ne va pas croire au moins que je veuille t'éviter. J'irai jusqu'à toucher l'horizon du bout du doigt pour me donner à toi tout entière et sans réserve. Je ne suis pas de ces femmes qui s'économisent et se détaillent, qui donnent un jour une main à baiser, l'autre jour le front ou le bas de leur robe, pour faire durer plus longtemps l'amour par le désir. Mais quand tu devrais m'abandonner au bout d'une heure, je serai satisfaite. Je serai sûre au moins que tu m'aurais aimée cette heure-là. Et qui peut dire qu'il ait été véritablement aimé une heure pendant sa vie? Je voudrais encore revoir une dernière fois la petite chambre où j'ai passé tant d'années pures et limpides. C'est le dernier caprice de ma virginité expirante. C'est la première chose que je te demande. Accorde-la-moi. Je voudrais jeter encore un regard sur ma vie de jeune fille. Et puis, j'ai sur ma fenêtre, dans une cage, une petite colombe sauvage qui ne fait que gémir la nuit et la journée. Je voudrais lui donner sa volée avant de partir avec toi, pour ne plus revenir. Et Alix, comment l'écarter? Oh, je n'y pensais plus. Je ne pense qu'à toi maintenant. Tu es le seul être qui existe au monde à mes yeux. Et tu fais un désert autour de toi. Prends cette fiole, verse une goutte de la liqueur qu'elle contient dans le verre de ta sœur. Le tonnerre du ciel et le canon de la terre gronderaient à son oreille, elle ne se réveillerait pas. Mais il n'y a pas de danger pour elle. Non. Aussitôt que la nuit noire aura jeté ses épaisses fourrures sur ses épaules, je serai sous la fenêtre avec deux chevaux. Je frapperai trois coups et tu viendras. Adieu. Je te laisse, mon âme. Voici une jeune créature qui s'exprime avec beaucoup de facilité et qui n'est point en sotte que je l'aurais cru. Tu, Dieu, comme elle parlait d'abondance et les beaux yeux qu'elle avait. Si je n'étais le diable, c'est-à-dire un personnage assez peu érotique, je croirais en vérité que je joue au naturel le rôle d'amoureux, car je me suis senti au fond de moi deux ou trois petits mouvements qui pourraient bien être de concupiscence ou de l'amour, pour parler un langage plus harmonieux et plus honnête. Mais Alix, je lui ai donné rendez-vous au lever de la lune, sans songer qu'il n'y avait pas de lune aujourd'hui. Satan! Seigneur Dieu? Satan, vous avez des griffes aux doigts, mais vous mériteriez d'y avoir des membranes, car vous êtes bête comme une oie. Qu'allez-vous faire? Vous improviserez une lune avec un transparent de papier huilé et un quinquet derrière, comme on fait à l'opéra, car il vous faut une lune. C'est une distraction un peu forte que j'ai eue là, Seigneur Dieu. C'est le propre des grands génies d'être distraits. Vous-même avez commis une bien étrange distraction lorsque, en créant la femme, vous avez cru faire la femelle de l'homme. Ma bévue n'est pas d'ailleurs fort considérable. La chère demoiselle, le ciel fut-il noir comme la voûte d'un four ou l'âme d'un procureur, elle y verra la lune, le soleil, toutes les planètes avec leurs satellites, car il n'y a pas d'éclipse pour l'étoile d'amour. Pendant je serais bien aise que le soleil eût la complaisance de s'enfariner la physionomie. Pour ce soir, seulement. Diable, nous ne sommes pas en carnaval pour qu'on se déguise ainsi. Je ne puis déranger mon soleil comme cela. Je ne l'ai fait qu'une fois, en faveur de Josué. Mais je m'en vais pour te montrer que je suis un ennemi généreux. Créer tout exprès un météore de la couleur et de la forme de la lune. Car je veux voir la fin de cette comédie. Et je ne veux pas faire manquer le dénouement pour si peu. Tiens, voilà ton météore. Oh, je ne sais comment vous remercier de votre obligeance, Seigneur Dieu. Mais si vous avez jamais de l'amour pour quelqu'un, je vous promets de ne pas le tenter. Ici Théophile Gautier. Je vous avouerai que voici déjà bien longtemps que je fais parler les autres et que je serais fort aise de trouver jour à placer convenablement mon petit mot. Ce rôle de récitant, pour utile qu'il soit, est un peu étriqué. J'étouffe littéralement dans la peau de ce mince personnage. Je regrette, mes chers auditeurs, d'interrompre cette émission, mais Monsieur Gautier semble fort embarrassé. Je suis en effet entré dans un cul-de-sac dont je ne puis sortir. Ce drame, quoique certainement un des plus beaux qui ait jamais serpenté à travers les circonvolutions d'une cervelle humaine, renferme cependant un défaut essentiel. C'est que l'action, si action il y a, est double sans être différente. Je n'aurais dû mettre qu'une jeune fille au lieu de deux. Vous seriez évité, Monsieur Gautier, une foule d'apartés et un tas d'imbroglios plus inextricables les uns que les autres. Mais j'ai cru naïvement que si une faisait bien, deux feraient deux fois bien. Vous espériez des effets très agréables à cause du contraste. Je m'étais promis de faire un portrait circonstancié des deux créatures. On vient d'entendre une scène d'amour entre Satan et Blanche-Flore. Pour continuer cette action bicéphale... Il faut qu'il arrive maintenant une scène d'amour entre Alix et Satan. Ces deux fils d'intrigue tordus ensemble sont comme des spirales qui montent en sens inverse dans le même diamètre et qui se rencontrent forcément à de certains endroits. Je n'y peux rien. Cela me prouve seulement que l'on doit préférer, pour soutenir son édifice, la colonne droite à la colonne torse. Maintenant... mes chers auditeurs, M. Gautier réclame votre indulgence pour la scène qui va suivre. Et si vous trouvez qu'elle a beaucoup de ressemblance avec l'autre, ne vous en prenez qu'à l'amour et non pas à lui. L'amour est extrêmement monotone de sa nature et ne sait conjuguer qu'un seul verbe, qui est le verbe « amo ». J'aime, ce qui ne serait pas très récréatif pour ceux qui l'écoutent, mais qu'y faire? Nous verrons bien. Voilà, Satanas est dans le jardin. Alix ne vient pas. Perdrai-je mon pari? Je n'ai plus que 2 heures devant moi et réellement c'est peu tout diable que je suis. Il faut quelquefois des mois entiers à ces virginités-là. Est-ce que Blanche-Fleur aurait-tu déjà le temps de lui verser le filtre? Cela ne me ferait pas mon compte. Mais j'entends son pas plus léger que le pas d'un oiseau. Je sens son odeur plus douce que l'odeur des violettes. Alix! J'avais peur que vous ne vinssiez pas. Je suis toute tremblante. Personne ne m'a vue. Personne? Il n'y a maintenant que les étoiles qui aient les yeux ouverts. C'est la première fois que je sors la nuit. Qu'est-ce qui vient de remuer derrière nous? C'est le vent qui lutine quelques feuilles, ou un sylphe qui revient se coucher au cœur d'une rose. Oh, pardonnez mes folles terreurs. Je ne devrais craindre que de ne pas être aimée de toi. Si tu n'as que cela à craindre, tu peux être plus brave qu'Alexandre ou César. Vous m'aimez donc? Si je t'aime. Vous le dites. Je voudrais vous croire et je ne le crois pas. Hélas, vous ne m'aimez donc pas, puisque vous ne croyez pas ce que je vous dis. Je vous aime. Le croyez-vous? Aie foi en moi comme j'ai foi en toi. Je ne le peux pas. Quelque chose me crie au fond du cœur que je me perds, que tu n'es pas ce que tu parais être, que tes paroles mentent à tes pensées. Je vois bien briller dans tes yeux une flamme surnaturelle, mais ce n'est pas le feu du vin, ce n'est pas le feu de l'amour, ce n'était pas ce regard que j'avais mis dans les yeux du bien-aimé que je rêvais. Et pourtant, il me plaît bien mieux. Je sens qu'en marchant vers toi, je marche vers un précipice. Et je ne puis m'arrêter, et je ne le voudrais pas. Mais qui es-tu donc pour avoir une telle puissance? Oh, quelqu'un de bien malheureux. Qui es-tu donc pour te dire malheureux, étant sûr d'être aimé? Je ne te dirai ni qui je suis, ni quel est mon malheur. Aucune langue humaine ne pourrait donner une idée de ce que je souffre. Aucune oreille ne doit entendre mon nom. Je commence vraiment à penser ce que je dis. Oh, beauté, ton effet est aussi puissant sur les diables que sur les anges. Qu'il te suffise de savoir que jamais femme n'a été aimée par un homme comme tu l'es par moi. Oh, ta voix est bien la voix des paroles que tu dis. Je te crois maintenant. Il y a dans ta personne quelque chose de fatal que je ne puis définir, qui m'effraie et me charme. On lit sur ton front un malheur irréparable. Tu es de ceux qui ne se consolent pas et je donnerai ma vie pour te consoler. Je voudrais être un ange, car il me semble que ce n'est pas assez pour toi d'être simple fille des hommes. Et du haut du paradis, la Vierge Marie assiste à cette scène. Satanas s'attendrit visiblement. Il vient de poser sur le front de cette jeune fille un baiser aussi chaste que s'il était sorti du collège depuis 15 jours. Satanas s'attendrit. Que va-t-il dire ? Oh, délicieux souvenir des voluptés du ciel. Rien n'échappe à l'œil du bon Dieu. Je vois d'ici se former dans le coin de l'œil de Satan une perle qui vaut mieux que celle de Cléopâtre. Azraël, rendez grâce au hasard de ce que Satan soit d'humeur platonique aujourd'hui. Prenez la coupe de diamant et descendez vite recueillir cette précieuse larme. Elle tremble au bout de ses cils et va bientôt se détacher. Pendant qu'Alix est dans les bras de Satanas... Je t'adore. Je suis à toi. L'horloge de l'éternité compte. C'est l'heure. C'est l'heure. Voilà l'ange Azraël. J'ai perdu. J'arrive à temps. La perle allait tomber. Quoi donc ? Quelle est cette apparition ? Je suis ton ange gardien, Alix. Celui-là est le diable ! Minuit. Elle est sauvée. Et Satan est en face de Dieu. Satanas, vous avez été autrefois le plus beau de mes anges et celui que j'aimais le mieux. Tout déchu que vous êtes, vous conservez encore quelques vestiges de ce que vous avez été. Et vous n'êtes pas totalement méchant. Cette larme que j'ai fait recueillir dans une coupe de diamant sera pour vous un breuvage précieux, dont l'intarissable fraîcheur vous empêchera de sentir les flammes dévorantes de l'enfer. Elle vaudra mieux que la goutte d'eau que vous demandiez. Vous, Azraël et Misaël, allez retirer du monde les deux âmes que vous aimez et les épouser sur le champ, de peur qu'il n'arrive malheur, car Satanas est un séducteur très habile et il ne sera peut-être pas toujours aussi bon diable que cette fois-ci. Allons, Satan, un dernier mot. Oh, si je pouvais demander pardon de ma révolte. Oh non. Non, non. Jamais ! Ah ! Il s'enfuit et la Vierge Marie reste seule avec le bon Dieu. Pauvre Satanas, il me fait pitié. Est-ce que vous ne le laisserez pas revenir dans le ciel ? L'arrêt est irrévocable, chère Marie. Je ne puis pas me parjurer, comme un roi de la terre. Il a tant souffert. Laissez-vous fléchir. Vous qui êtes si bon, comment pouvez-vous supporter cette idée qu'il y ait quelqu'un d'éternellement malheureux par votre volonté ? Dans quelques 100 000 ans d'ici, nous verrons. Le club d'essai de la radiodiffusion française vous a présenté, sous la direction artistique de René Clair, Une larme du diable, de Théophile Gautier. Adaptation de Jean Forest. Avec Gérard Philippe, Daniel Delorme, Marcel Desrien, Robert Arnoux, Françoise Angèle de la Comédie Française et Jean Touloup dans les rôles principaux, et Nelly Benedetti, Pascali, Claude Romain, Lisette Lemaire, Jean Negroni, Marguerite Cassan, Roger Iglesis, Yvonne Villeroy, Jean-Charles Thibault, Albert Gercourt, Georges Adet, Henri Duval, Raymond de Reynard, Pierre Delbon, Ginette Dide, Bernard Farel, Géo Lecomte, Martine Audrin. La chanson rapportée par La Brise était interprétée par Nicole Verville. Cette émission est la première diffusée en stéréophonie, suivant un procédé mis au point par José Bernard et Jean-Wilfried Garrett, qui en ont assuré la réalisation technique avec le concours de l'équipe du studio d'essai. Assistante Olga Lancement, production de Jean-Philippe.